Chapitre 3e. Moins hostile désormais à ses autres compagnons, Emlis gardait cependant avec les Thémenestres une attitude offensive. Peut-être la jalousie n'était-elle pas entièrement endormie dans sa petite poitrine passionnée. Peut-être était-ce seulement parce que les blanches rondeurs et les contours potelés offrent plus de surface aux coups de griffes. Mais, comme de pareilles violences étaient réprimées par le maître, son inimitié prit une forme nouvelle qui échappait au contrôle. Dans sa première appréciation des mœurs et habitudes de Emlis, le maître n'avait pas imaginé qu'elle eût jamais possédé de poupée. Le maître n'avait pas imaginé qu'elle eût jamais possédé de poupée. Le maître, comme beaucoup d'observateurs perspicaces du cœur humain, raisonnait mieux a posteriori qu'a priori. Emlis avait en réalité une poupée, mais c'était proprement la poupée de Emlis, un diminutif d'elle-même. Sa malheureuse existence avait été un secret que Madame Morpheur découvrit par hasard. Cette vieille compagne des courses vagabondes de Emlis portait des marques irrécusables de souffrance. Son teint primitif avait été depuis longtemps effacé par les injures du temps et lardé par le limon des canaux. Bref, elle ressemblait beaucoup à la Emlis du passé. Sa robe d'étoffe fanée était salie et déchirée comme l'avait été celle de sa maîtresse. Et jamais on n'avait entendu Emlis consoler sa poupée de tant de misère par aucun terme de tendresse. Elle ne la montrait jamais aux autres enfants. L'infortunée était couchée avec rudesse dans un arbre creux près de l'école et ne prenait d'exercice que pendant les promenades solitaires de sa maîtresse. Celle-ci remplissait sévèrement son devoir envers sa poupée comme envers elle-même. Elle ne lui permettait pas le moindre luxe. Il arriva que Madame Morpheur, cédant à un mouvement de bienveillance, acheta une autre poupée pour Emlis. L'enfant reçut le présent avec un mélange de froideur et de curiosité. Le maître, en regardant un jour cette nouvelle poupée, trouva que ses yeux bleus tranquilles et ses joues roses arrondies offraient quelques légères ressemblances avec les Thémenestres. Il était clair que Emlis avait fait la même observation, car tantôt elle lui cognait la tête contre les rochers quand elle était seule, tantôt la traînait, une courte cou, de la maison à l'école et de l'école à la maison. D'autres fois, la plaçant sur son pupitre, elle se faisait une pelote à épingle de son corps patient et inoffensif. Était-ce pour tirer vengeance au figuré des avantages que Clity pouvait avoir sur elle, ou connaissait-elle par intuition les rites de certains autres païens qui s'imaginent que l'ennemi dont ils torturent l'effigie languit et meurt? En dépit de ses bizarreries, elle étonnait le maître par l'intelligence vive et infatigable qu'elle apportait au travail, de quelque genre qu'il fût. Elle ignorait les hésitations et les timidités de l'enfance. Ses réponses en classe étaient toujours assaisonnées d'une sorte d'audace. Il va sans dire qu'elle n'était pas infaillible, mais le courage et l'aplomb avec lequel elle s'élançait bien au-delà des profondeurs où eussent osé se risquer les petits nageurs craintifs de son entourage, l'emportait sur toutes les erreurs de jugement. Les enfants, sous ce rapport, ne valent pas mieux, je crois, que les grandes personnes. Et aussitôt que la petite main rouge se levait pour demander la parole, il s'établissait un silence d'admiration. Le maître lui-même doutait parfois, en l'écoutant, de sa propre expérience et de sa propre opinion. Néanmoins, certaines particularités dont il s'était amusé d'abord commencèrent à lui inspirer de grandes inquiétudes. Il ne parvenait pas à se dissimuler que Emlis fût vindicative, arrogante et volontaire. On ne pouvait lui accorder qu'une quantité inséparable du tempérament demi-sauvage, la faculté physique, pour ainsi dire, de l'énergie et du dévouement, et une autre encore, qui n'est pas toujours celle-là, il faut le reconnaître, l'attribut du noble sauvage, la sincérité. Emlis était brave et sincère, peut-être, dans un pareil caractère, les deux adjectifs étaient-ils synonymes. Le maître avait beaucoup réfléchi là-dessus et était arrivé à la conclusion de tous ceux qui réfléchissent de bonne foi, à savoir qu'il était l'esclave de ses propres préjugés. Il résolut donc de prendre l'avis du révérend Max Naegele. Cette démarche humiliait son orgueil, car Max Naegele et lui n'étaient rien moins qu'amis. Mais ils ne pensaient qu'à Emlis et à leur première rencontre. Pénétré peut-être de la superstition bien pardonnable que ce n'était pas le hasard qui avait guidé ce soir-là ses pieds dociles jusqu'à l'école, se complaisant peut-être aussi dans le sentiment de la magnanimité dont il allait faire preuve, le jeune maître surmonta ses répugnances et alla trouver Max Naegele. Le révérend fut aise de le voir. Cependant, il remarqua qu'il avait l'air abattu, affligé probablement de névralgie ou de rhumatisme. Lui-même avait été pris de fièvre depuis la dernière conférence, mais il avait appris pour sa part la résignation et la prière. après un moment de silence, pour recueillir certaines recettes que lui donnait le maître contre la fièvre, Max Néglé entama d'interminables éloges sur sœur Morfa. Elle était l'ornement de la chrétienté, sa jeune famille promettait beaucoup. Quelle jeune personne bien élevée que Miss Clity, si polie, si douce. Il était ébloui des perfections de Clity, il n'en tarissait pas à ce sujet. Le maître se sentait doublement embarrassé. Cet enthousiasme paraissait souligner la différence entre Clity et la pauvre Emlis. Il y avait quelque chose de confidentiel qui lui déplaisait dans le ton du révérend, tandis qu'il lui parlait de l'aînée des demoiselles Morpher, de sorte qu'après de vaines tentatives pour dire quelque chose de naturel, le maître jugea opportun de battre en retraite. Il n'avait pas demandé le conseil qu'il était allé chercher, mais reprochant lui-même assez injustement au révérend Max Néglé de le lui avoir refusé. Cet échec parut renouveler entre le maître et l'élève l'intime union d'autrefois. L'enfant se rendit compte d'un changement dans les manières du maître, qui depuis peu était devenu contrainte. Un jour qu'ils se promenaient ensemble, elle s'arrêta brusquement, monta sur une souche qui se trouvait là, et le regarda de toute la force de ses grands yeux chercheurs. « Vous n'êtes pas fou ? » dit-elle en soulignant l'interrogation d'un mouvement de tête qui secoua ses tresses noires. « Non. Ni ennuyé de quelque chose ? Non. Vous n'avez pas faim ?» La faim était pour Emlis une maladie dont on pouvait être pris à tout moment. « Non. Et vous ne pensez pas à elle ? À qui, ici ? À cette fille blanche ?» C'était la dernière épithète inventée par Emlis, qui était une brune très foncée pour désigner Clytemnestre. « Non. Votre parole ?» Sur la demande du maître, Emlis avait substitué cette formule à l'ancienne « Que la mort vous emporte. » « Oui. Votre honneur sacré ?» « Oui. » Là-dessus, Emlis lui donna un petit baiser féroce et, sautant à terre, s'échappa. Les deux ou trois jours qui suivirent, elle condescendit à ressembler davantage aux autres enfants, à être sage, comme elle disait. Il y avait 2 ans que le maître habitait Smith Pocket, et comme son salaire était minime, et la perspective que Smith Pocket devint par aventure la capitale de l'État assez incertaine, il rêvait un changement. Déjà, les administrateurs de l'école étaient informés de ses intentions. Mais les jeunes gens instruits et d'une moralité intacte, étant rares à cette époque, il consentit à diriger encore l'école durant tout l'hiver. Personne, d'ailleurs, n'eut connaissance de sa détermination. Son unique ami excepté, un docteur Duchesne, jeune médecin créole fixé à Wickdam. Il n'en parla ni à Madame Orpher ni à Clity, ni à aucun de ses élèves. Cette réticence fut l'effet en partie d'une répugnance naturelle à faire de l'embarras, en partie du désir d'éviter les questions et les conjectures d'une curiosité vulgaire, en partie aussi de ce qu'il ne croyait jamais réellement qu'il allait faire une chose avant qu'elle fût faite. Il n'aimait pas à penser à Emlis. Un instinct égoïste, je le suppose, lui fit essayer de se persuader que le sentiment qu'il éprouvait pour elle était déraisonnable, romanesque. Il alla jusqu'à se dire qu'elle serait mieux dirigée par un professeur plus vieux et plus sévère. Déjà, elle avait 11 ans et bientôt, d'après l'usage de la montagne rouge, serait une femme. Il avait fait son devoir. Après la mort de Smith, il s'était adressé aux parents de cet homme. Une sœur de la mère de Emlis avait remercié le maître et annoncé son intention de quitter quelques mois plus tard avec son mari les États de l'Atlantique pour la Californie. C'était déjà une fondation posée pour le château dans les nuages que bâtissait le maître. N'était-il pas naturel de se figurer après tout qu'une femme bonne et sympathique, armée de l'influence que donne une proche parenté, guiderait mieux que lui ce caractère difficile? Cependant, quand il lui avait lu la lettre, Emlis l'avait écoutée avec distraction, l'avait reçue de sa main d'un air soumis, puis découpée avec des ciseaux en personnages qui représentaient Clytemnestre, et qu'elle signa la fille blanche, pour qu'on ne s'y trompât point, avant de les clouer sur les murs extérieurs de l'école. L'été touchait à sa fin. Dans les vallées, on avait rentré la dernière récolte, lorsque le maître songea lui aussi à faire sa moisson, en examinant ce que les leçons semées avec tant de zèle avaient produit dans les jeunes esprits qu'il cultivait. Les juges compétents qui pouvaient se trouver à Smith Pocket furent réunis pour la solennité consacrée par l'usage, qui consiste à embarrasser des enfants timides en les forçant à parler, comme on force les témoins à la barre du tribunal. Il arrive immanquablement que la hardiesse et le sang-froid sont comblés d'honneur. Le lecteur devinera donc que Emlis et Clity brillèrent en première ligne et se partagèrent l'intérêt du public. Emlis par la netteté de ses perceptions et sa confiance en elle-même, Clity par son assurance placide et la correction parfaite de ses manières. Les autres se troublèrent et firent faute sur faute. Les brillantes réponses de Emlis furent, cela va sans dire, les plus applaudies et obtinrent le plus de succès. Les antécédents de Emlis lui assuraient les sympathies particulières de toute une classe d'individus dont les formes athlétiques s'effaçaient le long des murs et dont les belles figures barbues regardaient par la fenêtre. Mais la popularité de Emlis fut compromise par une circonstance imprévue. Max Nagley s'était invité et venait de savourer le plaisir d'effrayer les élèves les plus craintifs par les questions les plus vagues, les plus ambiguës, posées d'un ton dogmatique et lugubre. Il interrompit Emlis, qui avait pris son essor en pleine astronomie, et traçait les révolutions de notre boule terrestre dans l'espace, battant la mesure à la musique des sphères et définissant avec aisance l'orbite de chaque planète. « Mais ici, dit onctueusement Max Nagley, vous parlez des révolutions de cette Terre et des mouvements du Soleil, et vous disiez qu'il en était ainsi depuis la création, n'est-ce pas ?» Emlis fit un signe affirmatif assez dédaigneux. « Eh bien, était-ce la vérité ?» dit Max Nagley, se croisant les bras. « Oui, répondit Emlis, serrant ses petites lèvres rouges. Les beaux garçons qui encombraient les fenêtres s'avancèrent pour mieux voir dans la salle d'école, et une figure raphaélique du jeune saint à barbe blonde, qui appartenait au plus grand vaurien des mines, se tourna vers l'enfant en lui soufflant à l'oreille « Tiens ferme, Emlis !» Le révérend poussa un profond soupir, jeta un regard de compassion sur le maître, puis sur les enfants. Son regard finit par se reposer sur Clity. La beauté de Smith Pocket leva doucement son bras blanc et poli, dont les contours séducteurs étaient encore rehaussés par un splendide bracelet d'échantillons en or massif, dont l'un de ses humbles adorateurs qu'elle portait en l'honneur de la circonstance. Un silence momentané se fit. Les joues rondes de Clity étaient du rose le plus vif et le plus doux. Les grands yeux de Clity étaient du bleu le plus brillant. La mousseline blanche de sa robe décolletée encadrait les épaules les plus fraîches et les plus dodues. Clity regarda le maître et le maître fit un signe de tête. Alors elle parla d'une voix suave. Josué commanda au soleil de s'arrêter et le soleil obéit. Il courut un bourdonnement flatteur dans la chambre. Une expression triomphante passa sous les traits de Max Nagley, une ombre sévère sur ceux du maître, et les spectateurs de la fenêtre ne purent contenir un désappointement comique. Emlis feuilleta rapidement son livre d'astronomie, puis le ferma d'un coup sec et bruyant. Max Nagley exhala un gémissement. La foule respectable, alignée dans l'école, s'étonna. Un hurra sauvage éclata parmi le public des fenêtres, lorsque, laissant retomber son poing fermé sur le pupitre, Emlis fit entendre ses déclarations emphatiques. « C'est un mensonge, je ne le crois pas !»